Alors j'ai rencontré un homme de merde. Je l'ai bien regardé. Et il était fait tout en merde. Il portait des vêtements en merde. Dans la bouche, il avait des petites choses très dures et très noires. Et j'ai bien regardé. C'était de la merde. De la merde très sèche et très dure à la place des dents. Et alors j'ai regardé sa bouche. J'ai regardé à l'intérieur de sa bouche. Il y avait une sorte de merde pâteuse et un peu coulante. Et c'était dans sa bouche. Et ses yeux étaient complètement vitreux. C'est-à-dire que ça coulait marron, ça coulait un peu gluant et marron vitreux. Et j'ai bien regardé au fond de ses yeux. Et c'était de la merde. Et après, j'ai regardé dans sa tête. Et j'ai vu qu'à l'intérieur de sa tête, il y avait comme ça deux morceaux de merde très serrés. Très, très noués. Très noués. Qui faisaient des tortillis comme ça. Dans son cerveau, dans sa tête. Et c'était de la merde. Très serré. J'ai regardé au fond de son cœur. Et son cœur, c'était un gros bloc de merde. Il y avait du jus qui sortait de son cœur. Du jus marron, sale. C'était un gros jus de merde qui circulait de partout. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'un homme comme ça soit vraiment entièrement plein de merde. Alors j'ai regardé dedans encore. Il y avait un ventre. Et dans son ventre, c'était très noué aussi. J'ai bien regardé. Et c'était bien de la merde aussi qu'il y avait dans son ventre. C'était des tuyaux de merde. Et à l'intérieur des tuyaux de merde, il y avait une sorte de merde plus molle encore qui était à l'intérieur. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'un homme soit complètement plein de merde. Alors j'ai écouté parler, tout ce qu'il disait c'était de la merde, et tout ce qu'il pensait, et toutes ses pensées c'était de la merde. Je me suis dit, c'est pas possible qu'un tel homme existe. Je l'ai bien regardé, et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un gros bonhomme de merde.